Et quand tout va mal, when life goes wrong, try for a little French song. French song maybe démodé, mais si douce à fredonner. French song tender, à l'envie, nostalgique à l'infini. Quand on sait plus where to belong, try for a little French song. French song will take you to Paris, to Pigalle, Lille, Saint-Louis. French song are dancing sous la pluie, de Bastille aux Tuileries. Because we have de quoi frimer, we have Brassens, Brelan, Ferré. We have Boris, Vian, Barbara, Gainsbourg, Trenet, Prévert, Cosma. Because we have de quoi choisir, we have Aznavour et Jenny, Beko, Nougaro, Moustaki, Edith, Piaf, Clo, Clo and Johnny. Oh oui, oui, oui, oui, bien sûr, ce n'est pas Duke Ellington, ce n'est pas Elvis ni Jackson, ce n'est pas Fitzgerald ou Armstrong. Just a little French song. Et quand le chagrin reste tout long, moi je chante une little French song. Because we have de quoi frimer, we have Brassens, Brelan, Ferré. We have Boris, Vian, Barbara, Gainsbourg, Trenet and Jean Ferrat. Because we have de quoi choisir, we have Aznavour et Jenny, Beko, Nougaro, Moustaki, Edith, Piaf, Coquelin and Johnny. Soit de Londres ou de Hong Kong, qu'on soit trois feuilles ou choubon, qu'on soit Jalapa ou Sarong, try for a little French song. Et quand les méchants